Ricky Wayne, apparemment c'est à la mode. Dans les stories Snapchat, franchement je ne vois que ça. Tu fais des wine on Diego Diego, de gauche à droite sur TikTok, TikTok. Oui t'as la bouche mais est-ce que t'as le bomba? Flexible like anaconda. Et figure acrobatique pourvu que tu ne tombes pas. Jamais. Personne ici n'est ambulancier. Watcha qui dit c'est DJ pull up. C'est que des tapes calices, la piste est full up. Coulons dans le fond, fond, fond. Comme des petites marionnettes. Watcha qui dit c'est DJ pull up. Ici y'a que des tapes calices, la piste est full up. Coulons dans le fond, fond, fond. Faire des petites calipettes. C'est quoi le challenge éloquent? C'est temps, je vais te montrer 2-3 steps. Roadie board. Roadie board. Qui dem a run, run, run, run, qui dem a run, run, run. Et tu bouges les épaules, et les épaules. Wine up, prends appui sur tes cuisses quand tu wine up. Entre l'heure que tu maîtrises, vas-y wine up. Fais tick tock. Watch out, qui dit ça, DJ pull up. Ici y'a que des tapes, calice, la piste est full up. Allons dans le fond, fond, fond. Comme des petites marionnettes. Chaque qui dit ça DJ pull up. Ici y'a que des tapes, calice, la piste est full up. Allons dans le fond, fond, fond. Faire des petites galipettes. Tes body qui wine apparemment c'est à la mode. Dans mes stories Snapchat, franchement je ne vois que ça. Tes wine on Diego Diego, de gauche à droite sur Tik Tok, Tik Tok. Oui t'as la bouche mais est-ce que t'as le bon? Tik Tok, Tik Tok. Flexible like anaconda. Tik Tok.